ngote soko moni mwana nkema kitina ndeteke ba kotumola ete po mama ne azena pepe mokili ye yokanga imalamwe bandeko bangai fongola ni matoyo decision ekweyo ewutie pai na papa papa nangaye l'éternel est désarmé keba Papa nangaye l'éternel est désarmé le tout puissant il est le feu dévorant Nguyanaye bombe mokote kokani nango le loyo a décidé à partir d'aujourd'hui Vinangaye komeka kosimbate Oyo akomeka azali condamné condamné à mort à la peine capitale Oyoka Bawa komeka kosimbate Mampinga, le tout puissant, il est le feu dévorant. Nguyanaye, bombe atomique et poussana teo. Les loyaux a décidé à partir de l'élo. Vinangaye, motote a touché. Soki yoko meka, yoko zala condamné. Condamné à mort, à la peine capitale. Yoka, Nangai komeka kosimbate Kombo nangai komile loyo Dangereux, dangereux Ngai na komi dangereux Bon, aujourd'hui yo zali soso ngai nazali mpese Olingi yo do dangai Meye mette nazali na kati ya molangi Yo soso kuka kodo dangai te Atapo penga ni bino nyoso Boko kangai te Azai protection nangai Alingi yo, ngai pena lingi yo Tozano na likambote Soko tiki mabeo zo kusala biso Omi pesie pai na papa nangai Yo poko mi danger de mort hein? Nanya lingi ako ma danger de mort aujourd'hui Zanango gratuit ya ofele PCV, PCV, PCV Yo poko mi na yo lelo yo Komeka kosimbate Oh, kombo na yo ekomi lelo yo Dangereux, dangereux Ngai na yo tokomi dangereux Kombo na biso ekomi lelo yo Yo na ngai tokomi lelo yo Keba Soki opeli Na yoko zika yoko Bavyo na bino ya butushe bisote Motambo na yoko kanga obele yomoko